Voilà. Donc, je vais passer la parole à Daphné qui va parler donc de la laïcité. Alors, moi, je suis philosophe et en fait, je travaille sur la question de la religion. Et en fait, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, un peu de manière générale, c'est d'essayer de voir comment un mot est lié pour nous à un certain nombre d'idées qui nous semblent entrer en résonance avec lui de manière évidente. En gros, c'est ce que ça, on appelle en philosophie des présupposés, c'est-à-dire la manière dont on a un espèce de background idéologique qui oriente vachement la manière dont on conçoit le monde et qui oriente notre compréhension intuitive d'un problème. Et il me semblait que c'était intéressant d'essayer de le faire sur la manière dont est mobilisé le concept de laïcité aujourd'hui, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a un certain nombre d'idées automatiques qui surgissent dans notre compréhension de la religion, qui arrivent quand on mentionne ces problèmes de laïcité. Mon idée, c'est donc de... Enfin, moi, en général, ce que je fais, c'est de travailler sur la question religieuse et d'essayer justement de montrer que quand on pense à la religion, on a un certain nombre de fausses évidences qui sont en fait des évidences extrêmement construites, qui ont une construction historique, qui ont des enjeux politiques. Et je me suis rendu compte que la manière dont je travaillais sur la religion permettait peut-être d'éclairer des gros présupposés qui étaient à l'œuvre dans la manière dont aujourd'hui on parle de la laïcité dans le débat public. Donc par contre, je suis pas du tout moi-même spécialiste de la laïcité, hein, c'est pas sur ça que je travaille sur la religion catholique aujourd'hui. Mais du coup, l'enjeu, c'était d'essayer d'ouvrir avec vous un débat sur la manière dont mon approche philosophique permet d'avoir une approche critique sur la manière dont on parle de laïcité, et d'essayer d'ouvrir avec vous un débat, même si je suis pas spécialiste de cette question, mais pour qu'on construise ce débat tous ensemble. D'abord, en général, ce qu'on entend par religion, en fait, c'est l'ensemble des individus qui adhèrent à un dogme. Et donc, on va dire que ces individus, ils ont une certaine vision du monde qui est forgée à partir des textes sacrés. Et ces textes sacrés, ils sont véhiculés et interprétés par des spécialistes religieux. Et donc, dans ce cas, on va dire que l'individu qui est religieux, c'est celui qui adhère à une certaine conception du monde qui ne relèverait pas du savoir et qui serait une forme inférieure de savoir parce qu'on ne peut pas le discuter, en faire un enjeu de débat ou le réfuter. Et donc, quand on envisage la religion comme ça, comme une certaine forme de foi, en fait, on en fait quelque chose de tout à fait privé qui ne regarde que les individus eux-mêmes, même si ça n'exclut pas ça arrive régulièrement dans ces cadres-là qu'on les considère comme plus naïfs que ceux qui auraient uniquement un savoir. Et donc, dans ce cas-là, la religion, c'est un problème exclusivement personnel, au sens où ça n'est pas un problème politique, hein, ça ne regarderait que les individus dans leur vie privée. Mais en fait, historiquement, ça s'est construit un peu différemment aussi, la question de la religion, parce que on sait aussi que la religion, c'est une institution, c'est-à-dire une forme d'organisation tout à fait particulière, avec une hiérarchie, un discours officiel, etc. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on envisage, c'est les rapports concrets dans lesquels sont transmis les discours religieux. Et là, dans ce cas-là, ce qui surgit, c'est des formes de domination tout à fait particulières qui ont été prises en charge justement à l'intérieur de ces débats sur la laïcité. On va par exemple envisager que le spécialiste religieux, il impose une forme de domination en imposant certaines pratiques ou certains modes de vie qui seraient légitimés par les textes religieux. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre en valeur quand on va dire que il faut minimiser l'importance des prêtres qui ont tendance à influencer la manière de voter des gens. C'est ce qu'on faisait par exemple au début du siècle. Ou quand on va dire qu'il faut diminuer la domination qu'exercent les imams quand par exemple l'imam de Brest dit qu'il faut, enfin dit à ses ouailles qu'il musique. Dans ce cas, on va dire que le dogme sert de légitimation pour influencer des pratiques qui vont reconduire en fait une domination qu'exerce la religion sur les citoyens. Mais dans un autre cas, en fait, on va aussi envisager que la croyance n'est pas seulement ce qui rend possible une domination, mais ce qui va entraîner une aliénation. C'est-à-dire que les individus vont être amenés à intérioriser le dogme et intérioriser un dogme qui, en fait, a tendance à les séparer d'eux-mêmes et à les empêcher de se rendre compte de ce qu'ils valent ou de ce qu'ils peuvent. Et donc ça, c'est par exemple le discours qu'on a aujourd'hui quand on parle des femmes voilées. On va dire qu'elles ont intériorisé le fait qu'elles doivent être pudiques pour ne pas susciter le désir, ou qu'elles ont intériorisé qu'elles étaient inférieures aux hommes, et donc qu'il faut empêcher cette aliénation que rend possible la religion. Vous voyez que dans ce cas-là, on envisage la religion en fait comme une croyance, mais prise dans une institution sociale. Ce qui devient palpable, c'est le fait que la religion, elle permet et de la domination et de l'aliénation. Et donc, elle n'est plus une affaire totalement privée, elle est aussi liée à des rapports de force et à des problèmes qui sont directement sociaux. Et donc du coup, ça a été toute une manière d'envisager la religion, mais qui pose un problème, c'est que historiquement, il y a effectivement des formes de religion qui sont dominantes, comme par exemple la chrétienté en France jusqu'au début du XXe siècle, mais qu'il y a aussi des formes de religion qui viennent se manifester comme opposées à cette domination. Historiquement, c'est comme ça qu'émerge le protestantisme au XVIe siècle, en venant s'opposer à un christianisme qui fonctionne par indulgence, par don d'argent aux prêtres, et où du coup on va dire qu'il faut sortir de ce modèle-là pour avoir une religion beaucoup plus privée, beaucoup plus individuelle, justement pour lutter contre cette domination politique qu'exercerait le clergé. Donc en fait, on se rend compte que la question c'est pas de se demander si la religion elle est aliénante ou pas. La question c'est de dire est-ce qu'il y a des systèmes politiques dans lesquels la religion propose une forme de domination contre laquelle il faudrait lutter. Mais du coup, la première chose qui me semble importante, c'est de se questionner sur est-ce que c'est intéressant d'avoir un concept comme la religion en général, comme si le fait de croire faisait quelque chose en soi qui était nécessairement aliénant. Et donc, il s'agit de se demander plutôt s'il y a des rapports sociaux dans lesquels s'expriment les religions et s'ils créent ou reconduisent des rapports de domination. Et ça, c'est le problème dans lequel émerge historiquement en fait, la question de la laïcité. En fait, pour faire un bref topo historique, la question de la laïcité, elle se pose tout au long du XIXe siècle et elle se pose dans le cadre où il y a effectivement une religion dominante et qui est liée à l'État. Donc à l'époque, les écoles sont catholiques, l'État paye les prêtres et les églises, etc. Et donc, on part du principe qu'il existe une religion dominante qui entraîne des formes de marginalisation et d'oppression des religions minoritaires. Et il s'agit de lutter contre un système où la domination religieuse, elle s'appuie sur un levier directement politique. Donc du coup, dans ce cas-là, la question de la laïcité, elle est directement liée, quand elle apparaît dans le débat politique, à la volonté de lutter contre la domination unilatérale d'une religion. Et c'est donc la raison pour laquelle, par exemple, on va créer l'école laïque en 1882, pour proposer justement de ne plus faire des institutions politiques un véhicule d'une domination religieuse en particulier, et surtout de proposer un savoir alternatif dans lequel le citoyen pourra se construire et construire ses opinions d'une manière qui ne soit pas justement dictée par la religion. C'est aussi la raison pour laquelle le premier article de la loi de 1905 dit « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ». Donc en fait, dans la loi de 1905, ce dont il s'agit, c'est de faire en sorte que l'État garantisse à chacun la possibilité de pratiquer la religion qu'il souhaite et tenter d'empêcher une religion d'être la religion dominante, en replaçant du coup la religion du côté de la sphère individuelle et privée, et non pas dans une domination politique explicite. Et c'est important de rappeler du coup à ce sujet que la loi de 1905, elle est votée dans un contexte où depuis les années 1870, on essaie de restreindre l'emprise de la religion, justement en empêchant sa visibilité dans l'espace public. Donc il y a des lois, par exemple, qui interdisent aux prêtres de se promener en habit de prêtre et qui doivent se promener à la française. La loi de 1905, au contraire, elle ne prescrit aucune conduite dans l'espace public. Elle refuse un amendement qui dit comment les prêtres doivent s'habiller dans l'espace public. Et donc il faut bien voir qu'elle n'est pas du tout là pour jouer sur les libertés individuelles. Il s'agit, dans ce cas comme dans celui de l'école laïque, d'émanciper les citoyens français de la domination unilatérale qu'exerce alors socialement et politique la religion chrétienne. Et donc dans ce cas-là, c'est vraiment intervenir sur une forme d'oppression effective en brisant ces conditions de possibilité pour que la croyance soit libre et non pas soumise à des pressions politiques et sociales. Mais en fait, au cours du XXe siècle, la question de la laïcité, elle a été investie d'une nouvelle manière. En fait, jusque dans les années 80, la question de la laïcité, c'est une question qui oppose l'État à la religion chrétienne. Et cette question se règle, en fait, dans le courant des années 80, avec, en 1984 et en 1994, une série de lois qui transforment le rapport à l'école privée. Et du coup, le débat sur la laïcité va se restructurer, puisqu'il ne s'agit plus de se cristalliser sur une opposition entre république et religion chrétienne. Et il va se restructurer comment ? Il va se restructurer par rapport au fait que l'État, il va prendre une place tout à fait particulière dans la gestion des cultes, ce qui est en fait relativement contraire à l'esprit de la loi de 1905. Pourquoi ? Alors, quelques exemples qui permettront d'éventuellement organiser le débat. Donc en 2003, Nicolas Sarkozy fonde le Conseil français du culte musulman. Donc ce conseil, c'est une association, hein, puisque depuis la loi de 1905, il n'y a plus de culte reconnu par l'État, et donc que les cultes religieux doivent devenir des éléments du tissu associatif de la société civile. Mais l'association fondée par Nicolas Sarkozy, elle a la particularité d'être sous l'égide du ministère de l'Intérieur, et elle a dans ses missions la formation des imams. Donc à travers ce conseil, on voit que s'opère un nouvel investissement de l'État dans la question religieuse. Et ça, ça va s'accentuer dans les années qui suivent. Donc on peut mentionner la loi du 17 mars 2004 sur le voile, hein, dont l'article 1er dit « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » Et cette loi, elle est suivie d'une circulaire interprétative deux mois plus tard, le 18 mai 2004, qui précise en fait que les articles interdits par la loi, ce sont le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de taille manifestement excessive. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que le port de la croix, il n'est pas remis en question par la loi de 2004 et que les seuls signes religieux qui sont dans le collimateur de la loi, ce sont des signes des religions juives et des religions musulmanes. En 2011... Oui, bon, les gros, oui, mais du coup, la majorité des croix qui sont portées de manière ordinaire ne correspondent pas. Donc du coup, comment ? Oui, oui. Parce que, comme elle interdit, que tout le monde entende. Oui, je pense qu'on n'interdit pas un petit croissant de lune, comme une petite croix, comme un petit machin, une petite croix de David, au bout d'une petite chaîne. C'est différent d'un voile qui est très visible, d'une grosse croix qui est très revendicative. Regarde, moi je suis un catholique, je suis juste ça. Enfin, quelque chose qui nous identifie d'abord comme faisant partie d'une religion avant d'être un citoyen lambda. Enfin, une petite croix. En fait, il y a un débat. En fait, je sais pas si elle a entendu du coup la réponse. Oui, vous avez. Alors elle disait qu'il y avait des signes qui étaient plus visibles que d'autres, par exemple une toute petite croix qui est cachée par rapport au voile. Monsieur, vous voulez bien vous asseoir Alors. Et en fait, ce qu'on peut remettre en discussion par rapport à ça, c'est justement que la question, c'est d'intervenir sur les signes qui sont effectivement portés. Or, les petites croix et les petites étoiles de David, etc., ne sont pas visées par la loi. Mais le problème, c'est que on se rend compte que les signes religieux chrétiens qui sont habituellement portés sont moins remis en question que les signes religieux habituellement portés dans les autres religions. Et donc, du coup, il y a quand même un problème sur ce qu'on appelle ostensible et sur la manière dont, malgré tout, cette loi vise des signes explicites. Et d'ailleurs, elle le dit, hein, il y a les croix de taille manifestement trop grande, mais on ne sait pas ce que veut dire trop grande. Et surtout, elle désigne par contre clairement le voile et la kippa comme deux formes de signes qui ne sont pas acceptables. Et c'est un problème qu'on peut soulever au moins dans la manière dont est construite la loi qui explicite des signes religieux sur lesquels elle agit. Enfin, du coup, ça reste ouvert pour le débat, évidemment. En 2011... le Haut Conseil à l'intégration, qui est rattaché au service du Premier ministre, il est chargé par le président Nicolas Sarkozy de prendre en charge la question de la laïcité. Et en fait, ce qui s'opère à ce moment-là, c'est une liaison directe entre la question de la laïcité et celle de l'intégration, et donc entre la laïcité et les mouvements migratoires. Ce qui, de fait, va poser le problème d'une laïcité divisible, ce qui va poser le problème de la laïcité dite indivisible, qui normalement est la même pour tous les citoyens, et qui là semble, par la manière dont elle est investie dans l'action étatique, s'adresser plus directement à certaines populations qu'à d'autres, à savoir les populations issues de l'immigration. Enfin, en tous les cas, ces éléments, ils permettent de voir que la question de la laïcité, elle a fondamentalement changé, parce qu'elle ne répond plus au même problème, à savoir de rendre possible l'émancipation politique des individus face à une religion dominante. Ce qu'on trouve dans les discours, c'est quelque chose de nouveau et qui est plus individuel, justement, qui ne concerne plus les rapports d'oppression politique dans lesquels les croyants sont pris. L'émancipation que vise cette laïcité, ce n'est plus une émancipation sociale, c'est une émancipation individuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve de manière très prégnante dans les discours politiques qui existent aujourd'hui autour de cette question-là. Ou par exemple, Patrick Kessel a publié récemment une tribune dans Libération. Et Patrick Kessel, il est président du comité Laïcité-République. Et il dit que l'approche de la laïcité qu'il défend aujourd'hui se place du côté d'un humanisme qui place la grandeur de chaque individu dans son cheminement vers l'émancipation, toujours inachevé. Donc on voit que la question de la laïcité, elle s'inscrit aujourd'hui dans une optique de libération des croyants d'une oppression, à la fois l'oppression qu'exerce le dogme sur les consciences en tant qu'il contraint le comportement, et l'oppression de certains individus sur d'autres. Et dans ce cas, le modèle, c'est celui de la femme voilée qu'il faudrait libérer de l'oppression que lui impose nécessairement un homme. Du coup, cette question, elle est intéressante en philosophie parce qu'elle rejoue, en fait, un questionnement qui est tout à fait banal hein, en philosophie, qu'on fait dès le bac, c'est peut-on forcer quelqu'un à être libre ? Peut-on émanciper quelqu'un ? Parce que normalement, c'est un verbe réflexif, hein, on s'émancipe, et là, on parle d'émanciper quelqu'un. Du coup, la manière dont est pensée la laïcité aujourd'hui, elle est très liée à la question de l'émancipation des femmes opprimées. Mais en fait, on trouverait aussi des choses sur l'émancipation des croyants hors de l'oppression que leur impose leur croyance. Et donc ça pose un problème qui est un problème... Oui. Ah, pardon. Donc juste une question de précision. Est-ce que c'est pas un peu infantilisé que de parler d'émancipation ? Est-ce qu'un système qui émancipe une femme ou des êtres humains parce qu'ils seraient sous le joug de la religion, est-ce que c'est pas une manière de les infantiliser ? Alors, en fait, justement, je pense que c'est une question qui est tout à fait intéressante parce qu'elle recoupe justement quelle est l'image de la religion qu'on a. Et cette image de la religion, c'est vraiment de dire il y a des individus qui sont victimes d'une illusion, qui sont dans une erreur de jugement et qui sont pris aussi dans le fait que s'ils ont ces erreurs de jugement-là, c'est précisément parce qu'ils sont sous la domination de groupes qui veulent les infantiliser, justement. Et en fait, c'est une question que je trouve particulièrement intéressante aujourd'hui, parce que justement, émanciper les gens et les émanciper du dessus, enfin comme si nous on savait vers quoi il fallait tendre, ça postule leur infantilisation et ça postule qu'ils ne sont pas capables de connaître eux-mêmes les moyens de leur émancipation. Et donc que l'émancipation doit être quelque chose qui vient du dessus. Et je pense que ce qui est intéressant justement pour trancher avec cette approche, c'est de bien voir que ce qui peut régir une telle approche, c'est vraiment de considérer la religion comme une illusion. Et que si on sort de ce paradigme, qui est en fait quelque chose qui a vraiment été créé par les Lumières, avec vraiment cette idée que une petite minorité de dominants crée la religion pour aliéner le peuple, on parvient à sortir de ce problème et on parvient à cesser de penser la nécessité d'émanciper les gens. Mais du coup, je pense que ça permet de voir que justement, et la manière dont vous posez la question, elle est vraiment intéressante. Aujourd'hui, au niveau des politiques et des gens qui interviennent dans l'espace médiatique, on a vraiment ce présupposé que la religion est nécessairement une erreur de jugement, une illusion qui ne peut conduire qu'à une domination. Des gens et dont il faut les sortir. Je pense qu'un des moyens de cette approche-là, c'est précisément d'arrêter de penser que être un individu religieux, c'est adhérer de façon aveugle et bornée à un dogme sans le questionner de manière critique. Ce qui n'est pas du tout le cas de la grande majorité des gens, justement, qui sont religieux et qui ont un esprit extrêmement critique sur le dogme, qui ne le connaissent pas toujours très bien, d'ailleurs, hein, c'est pas leur problème principal. Mais qui ont une pratique religieuse qui rythme leur vie et ce qui se joue pour eux, c'est justement pas du tout une adhésion pleine et aveugle à un jugement erroné. Donc ça, je pense que c'est un moyen d'en sortir, en fait, justement. Du coup, je pense que ce problème, il se joue encore plus fort sur la question de la loi de 2004 sur le voile et la loi sur la burqa de 2011. Parce que ces lois, elles ont été envisagées vraiment comme des moyens d'affranchir dans l'espace public les jeunes filles ou femmes voilées d'une oppression supposée, sans prendre du tout en compte le fait que ces femmes, elles revendiquaient le port du voile comme une expression de leur liberté et de leur choix personnel. Et donc, du coup, cette question de dire il faut émanciper les gens, c'est ne pas reconnaître par où eux envisagent ce que doit être la liberté et ce que doit être l'expression de leur émancipation. Et donc, du coup, c'est quand même pas inintéressant de noter que dans ce contexte, l'émancipation des femmes musulmanes grâce à la liberté est revenue en fait à leur imposer légalement une certaine tenue ou à leur imposer une certaine vision de l'émancipation qui passe par le dévoilement et à ne pas prendre en charge ce qu'elles considéraient comme une mise en acte de leur liberté. Enfin, du coup, il y a un dernier problème hein, qui se joue autour de cette question de laïcité. C'est qu'en fait, il y a de nombreux cas où la laïcité, elle est mobilisée, qui ne se fonde pas nécessairement sur le présupposé que toute religion est presque nécessairement aliénante. Il y a un autre motif dans le débat public qui vient légitimer la mobilisation du concept de laïcité, qui est plus tourné autour de la question strictement sociale du vivre ensemble et de la création d'un espace commun qui nous permette de faire société. Donc en fait, dans ce cadre, la question c'est on a deux approches. Hein. Une première qui va insister, par exemple, sur le communautarisme. Elle va dire que le communautarisme s'oppose au vivre ensemble. Et la réflexion sous-jacente, c'est comment est-ce qu'on peut faire société, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. Et on va dire que pour vivre ensemble, il faut qu'on partage un certain nombre de principes communs ou de valeurs communes, que ces principes communs, ils doivent être portés par l'État, ils doivent être neutres par rapport aux communautés particulières, et que ces principes, ils devraient permettre un dialogue commun qui fait fi des préoccupations particulières de chacun. Le grand outil hein, de ces discours-là, c'est de dire si on s'intéresse aux intérêts particuliers de chaque communauté, ce qui va se passer, c'est remettre en place les conditions d'une guerre civile. Parce que du coup, chaque communauté va vouloir obtenir ses intérêts, donc ça va entraîner une surenchère, et donc en fait, on risque d'arriver à une crise communautaire où les différentes communautés rentrent en tension et ça crée les conditions d'une guerre civile. Du coup, des gens comme Patrick Kessel, hein, toujours le même, disent qu'il faut refuser hein, les accommodements avec la loi ou les droits différenciés en fonction des communautés d'origine, parce que ça relèverait du particularisme et parce que ça permettrait l'émergence de conflits entre les différentes communautés. En fait, il y a un deuxième type d'analyse aussi qui peut apparaître dans ces moments-là, c'est de dire qu'on va moins s'intéresser au fait qu'il existerait des communautés qui défendraient leurs intérêts et qu'il faut créer au contraire des principes universels qui permettent le vivre ensemble. Et du coup, plus insister sur l'espace public tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il permet de manière égalitaire à chacun de pratiquer son culte ? Et donc là, dans ce modèle, on va partir des individus, de leur comportement vestimentaire, alimentaire, etc., dire que ces individus-là, ils n'ont pas nécessairement de revendications particulières, ils ne revendiquent pas nécessairement des droits particuliers, mais ils demandent à pouvoir pratiquer de manière égale leur religion dans l'espace public. Donc, quand on parle d'une femme qui se voile ou d'un individu qui veut manger halal en mobilisant une grille de lecture du communautarisme, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va imputer aux pratiques individuelles une volonté quasiment de prosélytisme, comme si elle portait en elle une revendication, comme si elle demandait des droits singuliers. Alors qu'en fait, on en vient à demander à ce que ces pratiques sortent de l'espace public pour justement ne pas donner l'impression qu'on donne plus de droits aux uns ou aux autres, au lieu de laisser les individus avoir les pratiques qu'ils souhaitent. Et donc du coup, dans ce deuxième cas, l'enjeu ce serait de repartir plus de l'espace public et politique pour se demander si en l'état, c'est bien un espace commun justement. C'est-à-dire, est-ce que c'est un espace aujourd'hui où chacun a les mêmes droits ou pas ? Est-ce qu'il est possible ou non de porter de manière égale tous les signes religieux ? Est-ce qu'il est aussi facile de suivre son régime alimentaire si on est chrétien, juif, musulman ou bouddhiste dans cet espace public ? Est-ce que les mêmes facilités sont mises à la disposition de tous par l'État pour célébrer ces fêtes religieuses ? Et dans ce cas, la question du commun, elle est interrogée d'une toute autre manière que dans le premier cas, parce qu'on va se demander si les valeurs universelles, communes et républicaines qu'on veut défendre ne recoupent pas en fait des inégalités de fait. Donc du coup, en fait, ça c'est le débat qui, dans les médias, vont opposer d'un côté les défenseurs d'une laïcité un peu offensive, comme donc Patrick Kessel, Elisabeth Badinter, etc., qui vont dire qu'il faut se battre contre le communautarisme pour créer un espace commun. Et dans un autre cas, ce sur quoi on va insister, donc ils sont présentés dans les débats comme les islamo-gauchistes, ce sont les gens qui vont dire est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, l'espace commun donne les mêmes possibles à tout le monde ? Et donc vous voyez que c'est deux manières complètement différentes de poser le débat parce que les présupposés en fait qui conduisent la réflexion sont pas du tout les mêmes et que c'est pas la même manière d'orienter la question et que dans aucun cas en fait il s'agit d'être ni l'idiot utile du FN ni l'idiot utile de l'islamisme, c'est vraiment deux manières complètement divergentes d'aborder un même problème philosophique qui est celui du vivre ensemble et de l'espace commun. Donc du coup je vais peut-être ouvrir le débat, parce que c'était un peu les points qui permettaient, il me semble, d'avoir quelques éléments sur lesquels discuter, mais l'enjeu, c'est vraiment une discussion. Merci. Oui, rapprochez-vous un petit peu. Voilà, faut juste pas se mettre dans le... Je sais pas, on se présente ou pas ? Bonjour, je voudrais témoigner... Excusez-moi, je voudrais témoigner d'un élément que j'ai vécu, parce que dans la rue, j'ai peu d'éléments de problèmes dont vous parliez, des voiles, des machins, qui sont en contradiction avec ce que je pense, ou ce que je vis, etc. Par contre, dans mon métier, à un moment, j'ai été animateur dans un camp de jeunes, etc. On faisait plein d'activités, et j'avais des jeunes qui croyaient, en l'occurrence c'était des musulmans, et qui avaient besoin d'une adaptation, on va dire, horaire pour pouvoir faire leur prière. Alors que, j'ai envie de dire, un jeune qui croit dans une religion plus catholique n'a pas besoin forcément de cette adaptation. Il peut la faire tout seul, dans sa tête, dans son lit, son sac de couchage, etc. Alors que ce jeune-là, pour avoir le même droit, j'ai envie de dire, entre guillemets, que quelqu'un qui est catholique, avait, lui, besoin de cet horaire. Parce qu'il avait... Il avait besoin d'un lieu, d'être seul ou tout simplement de s'agenouiller, d'aller dans une direction précise. Et quelque chose d'aussi matériel que ça, on avait beaucoup de mal, nous, à savoir si, en tant qu'animateur, en tant que directeur de centre, etc., est-ce qu'on devait l'autoriser, pas l'autoriser, est-ce que c'est du favoritisme, est-ce que c'est pas du favoritisme. On doit avoir un... Comme on est, comment expliquer, un peu représentant d'une autorité, de l'État, etc., qu'on doit respecter une législation bien particulière, on était très, très embêtés de savoir est-ce qu'on devait l'autoriser, est-ce qu'on doit le dire aux autres, qu'eux, ils le font. Donc, voilà. Est-ce qu'en même temps, vu que c'est des jeunes, ils sont influençables, est-ce que, juste parce que, j'ai envie de dire, ces jeunes étaient musulmans et voulaient faire leur prière, peut-être des gens non musulmans disent « Ah ben moi aussi j'ai envie de faire ma prière pour aller avec eux », enfin, plein de choses. Et c'était vraiment compliqué d'essayer de trouver le juste milieu, et je prends, parce que cet exemple-là m'a beaucoup parlé, parce que c'est, il n'y avait pas d'agressivité quelconque, il n'y avait pas de problème, de dérangement des uns des autres. Juste, il y avait une loi et un principe, et dans cette micro-communauté qui était cette colonie vacances, etc., on était face à ce dilemme. Et donc, en définitive, très honnêtement, je vais le dire, entre guillemets, de façon illégale, on a autorisé les jeunes qui voulaient faire leur prière. On leur a dit, c'est juste après se laver les dents. On a mis en place un cadre, en fait, et on l'a autorisé, et il n'y a eu aucun problème. Mais en fait, les jeunes, les enfants n'avaient pas de problème. C'est nous, les adultes, qui nous posions nous-mêmes notre problème entre nous, comme si ça allait genre faire un déchirement, etc. Alors qu'en définitive, juste on l'a fait, tout s'est bien passé, et bon, d'accord. Mais n'empêche que cette question-là, alors que maintenant je suis plus du tout animateur, je suis informaticien, voilà, je l'ai encore dans ma tête, et à chaque fois qu'on parle du débat sur la laïcité, je me suis toujours dit, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, je voulais juste témoigner de ça. Peut-être que ça pourrait alimenter le débat. Voilà. Merci. Vous aviez une question aussi ? Ouais. En fait, c'est sur le mot commun, l'espace commun. L'idée de l'espace commun, c'est, il semble être défini comme une agrégation d'individualités, en fait, la somme des individualités. Nous vivons, l'État français vit avec le principe de l'intérêt général. Et donc, il y aurait un intérêt général qui présiderait aux actions individuelles. Et donc là, dans l'exemple que vient de citer monsieur, très clairement, il y avait cet intérêt général qui avait été décidé par la loi, qui préside aux intérêts, qui préside à la vie de chacun et qui devrait... encadrer et réguler la société. Le problème, c'est que clairement, on voit que aujourd'hui, il y a ce conflit entre l'intérêt commun et l'intérêt général. Et donc, c'est un peu ce que j'ai l'impression qu'on est en train d'inventer ici, c'est la possibilité de créer un intérêt général à partir de volontés individuelles. Toujours avec cette perspective-là. Et c'est peut-être aussi ce que ce groupe a inventé à ce moment-là, c'est-à-dire on va faire fi de l'intérêt général. On va essayer d'inventer notre intérêt général en prenant en compte l'intérêt individuel, tout en allant dans un seul sens. C'est quand même ça qui met que ça met en valeur, c'est-à-dire que ce que vous disiez toujours, on a dans notre tête en tant qu'adulte un principe d'intérêt général qui rentre en conflit avec la vie que nous menons. Et donc c'est peut-être ça sur lequel j'aurais voulu que vous éclairiez les choses, parce que je ne sais pas s'il n'y a pas une confusion entre intérêt général et espace commun, qui est l'agrégation d'intérêts individuels. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel on a besoin aujourd'hui d'être un peu plus éclairé ? Alors ça c'est une question qui est intéressante, parce qu'effectivement c'est une question qu'on pose beaucoup en philosophie politique. Est-ce que l'intérêt du plus grand nombre se confond avec un intérêt commun qui serait un intérêt, disons, plutôt de la société ? Et je pense que Alors ça rejoint le problème, hein, évidemment. Effectivement, on n'a pas tous les mêmes intérêts et ces intérêts ils peuvent rentrer en tension. Mais j'ai l'impression que à l'intérieur de ce problème-là, et d'ailleurs vous faisiez référence à la manière dont s'élabore aujourd'hui justement Nuit debout comme une nouvelle forme d'intérêt qui n'est pas forcément l'intérêt des représentants ou l'intérêt de la masse d'un point de vue numérique. Je pense que c'est assez intéressant justement en posant la question de la religion de voir que la religion vient manifester un certain rapport à l'oppression. C'est-à-dire que chez tous les philosophes qui se sont intéressés à la question de la religion, on se rend compte que la religion, elle est une forme de manière de se situer vis-à-vis de l'oppression qu'on se croit vivre et de résister à cette oppression, de se trouver des palliatifs, etc. Et du coup, en fait, à l'intérieur de ce truc-là, l'intérêt commun, c'est aussi un intérêt qui prendra en charge ce que les gens vivent comme étant leur oppression. Et ça, je trouve que dans cette question de la laïcité et sur la question de la création d'un espace commun, cet espace commun, on veut que ce soit un espace minimal où, dans la vision d'une laïcité à la Patrick Kessel dont je parlais tout à l'heure, il faut vraiment un espace dénué de signes religieux, etc., pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Mais en fait, on se rend compte, et je pense que c'est l'exemple que vous preniez tout à l'heure, c'est pas un espace minimal qu'il faut, c'est un espace où les gens puissent investir de la manière où ils le souhaitent cet espace. Et où ils puissent se l'approprier et le vivre comme étant le leur. Et ça crée un vrai intérêt commun, c'est-à-dire un espace qui est approprié par les gens et dans lequel ils se reconnaissent comme citoyens à proprement parler parce qu'on ne les prive pas de leurs droits, mais on leur donne la possibilité de les exprimer. Et donc du coup, je trouve que c'est intéressant du coup d'envisager la question de la laïcité comme ça. Est-ce qu'elle reconduit une oppression ou est-ce qu'elle permet de prendre conscience de la manière dont les gens veulent sortir de l'oppression, se donnent certes des moyens qui ne sont pas forcément... des moyens efficaces, mais au moins ça dit quelque chose sur la manière dont ils ont envie de vivre leur espace et dont ils ont envie de faire société eux-mêmes. Et donc du coup, clairement, je pense que la question de l'intérêt général doit être une question qui doit être évacuée, parce que l'intérêt du plus grand nombre, c'est toujours l'intérêt d'une majorité qui est en fait elle-même dominante d'une manière ou d'une autre, et qui va exclure de fait les minorités sans prendre acte de comment est-ce qu'elles veulent justement créer un intérêt partagé plutôt, où justement on n'a pas besoin de faire tous les mêmes choses pour qu'un espace collectif se crée, mais on a besoin justement de comprendre quel est le point de vue de l'autre sur cet espace pour vraiment créer un espace réellement collectivement investi. Je sais pas si j'ai répondu. Alors je vous invite vraiment à vous rapprocher, à vous asseoir pour que les gens derrière puissent entendre ce qui est dit, s'il vous plaît. Oui, c'est parce que je voulais dire, pour moi les religions c'est des sectes qui ont réussi, pour moi, personnellement. Après je respecte tout à fait les gens qui croient, je voulais parler de la laïcité, et la laïcité elle est très compliquée parce que quand je suis de l'Est de la France, du côté de Strasbourg, moi je suis de Besançon, mais l'Est de Strasbourg, il y a encore des croix dans les écoles publiques, quoi, qu'on n'a jamais enlevé. Et en Vendée, c'est pareil, quoi. Et on a bien vu que le problème de la laïcité et de la religion était très compliqué, on l'a vu pour le mariage pour tous. Il y a eu beaucoup d'engagement, tous les politiques étaient très emmerdés pour récupérer le mouvement d'un côté et de l'autre. Et je crois qu'on n'arrive pas à en défaire, et c'est compliqué parce que ils veulent créer des enfin pour moi des religions, elles sont là pour pouvoir quelque part nous diviser entre guillemets, je sais pas, plus sur le plan politique, hein, mais parce que bon, toutes les guerres, quasiment toutes les guerres ont été faites au nom des religions, quoi, quasiment, hein, je sais pas voir, mais quasiment, quoi. Et je crois qu'il n'y en a pas ni gauche, droite, milieu qui essaie de s'en sortir, parce que c'est très compliqué de s'attaquer à une religion, à une autre religion. Et pour moi, tout signe ostentatoire, aussi bien la croix, le voile, le truc comme ça, moi ça devrait être interdit, mais c'est très personnel. C'est que très personnel, parce que Bouchta, je vois pas l'intérêt. Je crois qu'on peut être croyant et prier, soit dans son coin, soit dans son truc. Je vois pas l'intérêt d'avoir une croix ou une kippa ou un voile. Il ira plus au paradis ou pas, quoi. Donc voilà, c'est très personnel. Hein. Bonjour. Alors moi, je crois que ce qu'on oublie, c'est l'histoire de ce pays. C'est quand même la Révolution française. On est les premiers à avoir mis à mal nos rois. on les a décapités, c'est pas une gloire, mais voilà, par nous, les Russes l'ont fait, je sais pas pour les autres. Ce que je veux dire, c'est que les religions, c'est un outil de pouvoir pour nous les Français laïcs. Et toutes les religions sont perçues comme des outils de pouvoir. Et la France, c'est un pays laïque. Et la France, c'est la laïcité. Et si on ne comprend pas la laïcité, alors on ne comprend pas l'histoire de ce pays. Voilà, parce que on a mis les... parce qu'ils se mêlaient de nos vies, de nos histoires. On se confesse chez le curé. C'est pratique. Enfin, toutes les religions sont des outils de pouvoir très pratiques. Hein. On veut du pouvoir. Voilà, on crée une secte. Pour reprendre le propos de monsieur... voilà, donc je voulais juste rappeler ça, c'est que la France est un pays laïque à la base et que c'est plus, je pense, aux religions, à ceux qui ont des croyances, de s'adapter à cette laïcité. Et c'est pas la laïcité de revoir sa copie, c'est ce qui fait la France. Voilà, c'est pour ça que après Charlie Hebdo, tout le monde s'est relevé en se disant mais c'est ça la France, c'est aussi Charlie et le droit de débattre et de faire des critiques et de faire des dessins et de parler de toutes les religions de la même façon. Et ce serait ne pas respecter la religion musulmane que de lui faire un traitement de faveur en disant ces gens-là, on peut pas rigoler de leur religion parce que ils sont pas capables de le comprendre. Voilà, moi je pense qu'on est tous capables de comprendre que les religions sont des outils de pouvoir, c'est manifeste, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de l'humanité. Je pense qu'il faut pas oublier ça et que nos croyances personnelles, faut qu'elles restent personnelles et qu'il faut qu'elles s'adaptent à l'espace public qui lui est laïque ici dans ce pays. Voilà. Voilà, ça m'empêche pas d'aimer tout le monde, ça m'empêche pas d'être très respectueuse, d'être très tolérante, d'être très ouverte, de parler avec tout le monde. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir la foi sans être religieux, on peut aussi avoir la foi en dehors des religions. On a tous une âme, on a tous ces pensées-là, qu'est-ce qui nous arrive après la mort, etc., etc., etc., etc. Et voilà, j'ai pas besoin des religions pour y répondre personnellement. J'ai ma conscience, on a tous une conscience, on a tous aussi une intuition. Moi, je crois en ça, voilà. Et voilà, et je nous aime tous, et je voudrais qu'on soit tous bien ensemble, parce qu'on vous aime tous. Faut pas croire que, voilà, je suis blanche peut-être, j'aime tout le monde. Point barre, enfin, j'en ai marre, moi, de ces histoires, franchement. Alors, je pense que ça ouvre le débat, parce qu'il peut y avoir beaucoup de personnes pas d'accord. Alors, je vais voir si ça marche sans que vous y alliez, mais quand c'est dans le champ, des fois, si vous pouvez venir voilà, par là... Alors en fait, bah effectivement ça ouvre le débat je trouve et puis... Ouais, là c'est bon, ok. Et puis je voulais rebondir aussi sur le témoignage que vous avez fait tout à l'heure où vous parliez de l'adaptation, d'adapter par exemple pour des enfants la possibilité de faire une prière par exemple après le repas. Enfin, faut pas oublier qu'on est dans un pays qui se dit laïque mais que concrètement au jour le jour on est quand même super adapté sur les valeurs chrétiennes. Notre calendrier, les jours fériés, les fêtes, ça reste calé sur le calendrier chrétien. J'entends des cloches sonner dans à peu près toutes les villes en France, c'est les églises. J'ai vécu 10 ans en Alsace et j'ai suivi dans le cursus scolaire des cours sur de catholicisme à l'école. Donc on n'est pas encore quand même 100% laïque, faut pas oublier ça. Et que du coup... je pense qu'il faut garder à l'esprit, mais à mon avis tout le monde l'a, mais c'est juste un rappel, qu'il y a quand même deux poids deux mesures en ce qui concerne la religion chrétienne et les religions juives et musulmanes, et que s'adapter adapter à des personnes la possibilité de pratiquer leur culte, ça doit se faire pour toutes les religions sans distinction. Si cette étape propose la liberté de culte dans le pays, faut pas oublier qu'il y a une liberté de culte très facile pour les personnes chrétiennes et beaucoup plus compliquée pour les personnes musulmanes ou juives, et que donc devoir l'adapter comme ça, par exemple, dans un espace où les enfants demandent à une prière, ça me paraît assez logique de le faire, étant donné que c'est déjà très facile pour des enfants catholiques de suivre leur culte, et donc ça devrait être facile aussi pour les personnes musulmanes, juives et toute autre religion qui est en France. Moi, je voulais juste vous dire, enfin, rebondir un petit peu sur ce qu'avait dit la demoiselle, madame, tout à l'heure. C'est vrai qu'on est un pays chrétien, enfin, avec une histoire plutôt chrétienne, plutôt catholique, qu'on a combattu nos rois, qu'on s'est, voilà, on a réussi à séparer l'Église et l'État, puisque ça a été ça initialement. Aujourd'hui, l'Église et l'État sont quand même plutôt bien séparés. On est dans une société, je trouve, où on est en avant, même peut-être un peu trop, pour revenir avec ce que vous dites sur la laïcité, les espaces communs, les espaces, enfin, cet amalgame qu'on peut faire entre bien-être individuel, conscience individuelle et conscience commune, etc. Malgré tout, est-ce qu'on pourrait pas juste accepter d'avoir une histoire chrétienne, donc un calendrier chrétien, parce que bon, on est en France, c'est comme ça, mais il y a une part de notre histoire qui est arrêtée à nos frontières aussi, même si peut-être c'est pas voué à être ça pour toujours, mais voilà, pour l'instant c'est un peu ça, on a un calendrier chrétien, on a des fêtes chrétiennes parce que c'est historiquement comme ça, mais en même temps essayer d'accepter tout le monde et d'accepter que toutes les religions puissent exercer leur culte comme un droit, en fait, et ne pas oublier d'être tolérant aussi. Voilà, juste. Merci. Puis après, je vous laisse répondre. Bonjour. J'ai l'impression que, avec tout ce que j'entends, on en oublie l'histoire de France et on en oublie l'histoire des autres pays, l'histoire du monde. C'est-à-dire qu'on parle de droit à, de possibilité à, et de religion. Jamais on parle des athées, des non-croyants. Donc, dans toutes ces conversations, on ne parle jamais des athées, des non-croyants. On ne parle jamais des Bretons, des grand-mères bretonnes qui ont été brûlées. Il n'y a plus de guérisseuses. Tout ça, tout ça. Donc, on parle de la violence envers les religions, mais on ne parle pas de la violence des religions envers les autres. Donc, ce qui se passe maintenant, j'en arrive aujourd'hui à savoir, est-ce qu'en France, le système laïque fonctionne bien. Il faut savoir que le calendrier chrétien est basé sur un calendrier ancestral qui n'est pas chrétien. Et donc si on regarde les vraies raisons des fêtes dites chrétiennes, elles ne sont pas chrétiennes. Donc il n'y a pas de guerre de religion. Et toutes les religions utilisent un certain calendrier en fonction des traditions ancestrales et en fonction de leur politique. Parce que la religion sont les premiers outils politiques que les êtres humains ont utilisés avant les partis politiques qu'on a aujourd'hui. Donc, il ne faut pas mélanger la religion et la foi. La foi est personnelle et la religion est un outil politique. Donc, lorsque les Français parlent de laïcité, ils disent que oui, en France, on finance les églises et on s'occupe pas des autres. Eh ben, si vous voyagez dans le monde, il y a des gens qui s'occupent pas des églises. Il y a des gens qui s'occupent de leur religion, ils s'occupent pas des églises. Donc, à un moment donné, il faut pas être des enfants, il faut pas être naïf. Il faut pas être naïf. Donc, on veut défendre le droit de vivre ensemble, mais il faut que lui, l'autre aussi, défende le droit de vivre ensemble chez lui. Donc, il ne s'agit pas simplement de parler du français envers le français, il s'agit de parler d'être humain, de mondialisme. Moi, personnellement, je ne suis pas croyant, parce que j'ai réussi à m'en sortir quand j'avais 20 ans. Et j'ai récupéré mon cerveau. Mais chacun a le droit à sa foi, justement. Un footballeur qui porte un slip jaune et qui marque 4 buts, il gardera son slip jaune toute sa vie. Parce que sa foi est basée sur ce slip jaune que sa femme lui a donné ce jour-là. Donc la foi, c'est quelque chose de personnel, c'est une énergie qu'on a en nous. C'est une énergie que l'on transmet sur quelque chose. Ça peut être sur Jésus, ça peut être sur Allah, ça peut être sur quoi que vous voulez, mais ça doit rester une énergie, ça doit rester personnel, parce qu'une foi est indescriptible et une foi appartient à une personne. Et si cette personne croit jusqu'à la mort que Dieu existe, elle a le droit, c'est sa croyance. Donc on n'a pas à intervenir. Mais si une personne ne croit aussi sa croyance, donc on n'a pas à intervenir. Et là, le système politique a fait monter cette discussion sur la religion. Et donc on a monté la religion musulmane. Et la religion musulmane a monté la religion chrétienne. Mais il y a une des religions qui utilise les deux pour justement exister elle aussi. Et donc les trois religions sont manipulées et les trois groupes religieux, si on parle des êtres humains, sont manipulés. Parce que les chefs de chaque religion, eux, dînent ensemble, font du golf ensemble et décident la politique qu'ils vont donner demain, à savoir si telle religion est malvenue, telle religion est pas malvenue. En France, on commence à parler de l'islamophobie, c'est-à-dire il y a une guerre contre l'islam. C'est vrai, lorsqu'on regarde peuple, qu'on regarde certaines radios, ils vont dire c'est la faute à l'islam, c'est la faute à l'islam. Jamais l'islam aujourd'hui n'a été autant financé aujourd'hui, de nos jours. Jamais il y a eu autant d'argent donné dans le monde islamique en France de nos jours. Et donc il y a un clivage entre le média qui nous parle de la guerre du méchant islam et musulman. Et d'un autre côté, il y a une guerre politique où on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aux musulmans. Il y a juste à regarder le Paris Saint-Germain. Maintenant, ce que je voudrais, le Paris Saint-Germain, équipe de football. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que les religieux, le peuple, non pas les religions. Nous, à la Commission France-Afrique, quand les gens viennent parler, on dit aux gens, parlez de vous et écoutez l'autre et à parler à l'autre de vous. Et chacun parler sans les partis politiques. Et dans la religion, c'est un débat très très compliqué. Il faut que le peuple religieux se parle les uns les autres, parle aux chrétiens et dit aux chrétiens ce qu'ils pensent. Le musulman dit aux juifs ce qu'ils pensent. Le juif dit aux chrétiens ce qu'ils pensent. Le truc machin. Et on met aussi les non-croyants dedans dans la conversation. Et nous aussi on dit ce qu'on pense. Et donc il faut que le peuple se réapproprie aussi le pouvoir au niveau de la France-Afrique et de toutes les guerres dans le monde. Il faut que le peuple aussi se réapproprie le pouvoir de penser au niveau dans la religion. Parce que pour l'instant, c'est pas le peuple qui pense. Lorsque j'entends les commentaires qu'il y a ici, ce n'est pas le peuple qui pense. Parce que tu ne peux pas, au nom de la laïcité et de tout le monde ensemble, ne pas comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Parce que en ce moment, il y a une guerre de religion qu'on utilise de façon politique. Et toi, qui veux défendre le droit à la laïcité et... Je sais. C'est toujours trop long, il y a toujours 2 minutes et on peut jamais défendre son point de vue en entier. C'est pareil pendant les trucs et c'est pour ça que le mouvement n'avance pas, parce que personne n'a le temps de vider son cœur. Et c'est pour ça que à la Commission France-Afrique, on ne fait pas vraiment des tables rondes. On laisse les gens parler, même s'ils doivent parler 1 heure de face à face, mais quand ils ont fini de parler, ils s'embrassent parce qu'ils se sont compris. Mais les 2 minutes d'expression que l'on voit sur dans le sitting au central, les 2 minutes que vous prenez ici ne permettent pas aux gens de se comprendre lorsqu'ils expriment. Donc je vais arrêter là, mais j'invite juste tout le monde, vraiment tout le monde, à se parler, à se comprendre, non pas se regarder sur sa terre, mais regarder l'autre aussi sur sa terre. Regardez les Japonais sur leur terre. Regardez les Indiens sur leur terre. Regardez en Amérique du Sud sur leur terre. Regardez les Allemands sur leur terre. Regardez les Américains sur leur terre. Et donc, pour comprendre le problème politique de la religion et le problème des peuples à peuple, il faut se regarder tout à chacun soi-même sur nos terres et les autres aussi sur la terre. Et ça nous permet ensemble de comprendre qu'est-ce que c'est que la laïcité, qu'est-ce que c'est le système religieux. La laïcité est une bonne pratique si chacun... Si chacun respecte sa foi sans l'imposer à l'autre, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être visible, elle ne doit pas être ostentatoire. Et sinon, on sort de la laïcité et on rentre dans une forme politique du communautarisme qu'on appelle lobbying. Et le lobbying, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le lobbying, mais le lobbying économique, c'est des guerres. Et donc si on rentre dans le lobbying religieux, on revient au temps des guerres et du « je suis plus intelligent, plus fort que toi » et compagnie. Donc vraiment, le peuple... Chacun doit accepter la croyance, quelle que soit, même si l'autre il aime un arbre, ben laisse-le aimer son arbre. Mais l'autre, il ne doit pas imposer l'amour de son arbre aux autres et ceci et cela. Voilà, merci. Alors justement, ici, la particularité, c'est qu'on n'a pas que 2 minutes pour parler. Et si tu veux intervenir la semaine prochaine, présenter pendant 20 minutes justement quelque chose et après qu'il y ait un débat. Au contraire, on peut voir ça ensemble tout de suite si tu veux. Je vous laisse répondre et puis après on reprend d'autres questions. Bon, en fait c'est intéressant je pense parce que en fait j'ai l'impression que même si c'est pas forcément très très fort, les différentes personnes qui ont parlé ont montré que justement le problème c'était un problème de définition de ce qu'on mettait derrière religion et laïcité. Parce qu'en fait, le fait qu'il puisse y avoir des avis divergents sur la question montre qu'on ne partage pas les mêmes présupposés autour de ces notions. Et ça, c'est le point sur lequel je voulais en venir aujourd'hui. Il s'agissait à aucun moment, en fait, de dire la laïcité, c'est bien ou la laïcité, c'est mal. Parce qu'en fait, il y a autant de compréhension de la laïcité que de grands groupes de pensée et autant de compréhension de la religion que de grands groupes de pensée. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, de ce point de vue-là, c'est que justement, enfin, donc le monsieur d'avant qui vient de partir parlait de se comprendre, et je pense que c'est très important justement de voir, en l'occurrence, de quoi on parle ? La grande majorité des gens adhèrent à l'idée que être religieux, c'est donc accepter de manière aveugle une croyance et donc être capable de s'engager dans des guerres terribles au nom d'un dieu ou quoi que ce soit. Ce qui est, à mon avis, dommage parce que je pense que ça fait perdre de vue que... Moi, en l'occurrence, je travaille avec des... Enfin, mon terrain, c'est avec des croyants. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont un esprit extrêmement critique et que, clairement, c'est pas des gens qui luttent pour l'existence ou la non-existence de Jésus. Enfin, c'est pas exactement l'enjeu du problème. Et donc, ils adhèrent pas de manière massive et définitive à un dogme qui est préconstitué. Donc ça, c'est la première chose, c'est que... Je pense que c'est important, déjà, de toujours se demander... Comment est-ce qu'on envisage la croyance ? Et est-ce que la croyance, c'est pas toujours la croyance de l'autre ? C'est-à-dire, est-ce qu'on dit pas toujours que les autres sont croyants et adhèrent au dogme quand nous, on a l'impression d'en être sortis et qu'on possède un savoir ? Et donc, est-ce que c'est pas toujours une manière de dire que l'autre est un peu plus naïf que nous ? Et est-ce que déjà poser les questions comme ça, c'est pas directement se mettre dans une position de supériorité qui fausse le débat ? C'est une première question qui me semble mériter de se poser. La deuxième question, c'est une question qui a été posée sur la laïcité de... Dire que il faut pas que l'autre nous impose ses croyances. Bah oui, évidemment. Enfin, non, l'autre ne doit rien nous imposer, tout ça. Sauf que la question, c'est de dire, est-ce que le fait que l'autre porte des signes ostensibles revient à une imposition ? Et je pense que ça, c'est la question qui ressort, en fait, de la question sur la manière dont est appréhendée la chose aujourd'hui. On lit énormément de commentaires quand on s'intéresse aux articles sur la laïcité, énormément de commentaires qui disent que quand une femme voilée dans l'espace public, elle impose un truc qu'on ne veut pas recevoir. Et donc, on a ce truc dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est de dire, le croyant, il impose quelque chose parce qu'il est prosélyte. Mais... Ça aussi, ça mérite d'être questionné à ce moment-là. Est-ce que une femme qui se promène en mini-jupe, elle impose la mini-jupe aux autres ? Est-ce que quand on se promène avec n'importe quel signe sur soi, on l'impose aux autres ? Reprendre ça à l'intérieur de pratiques de domination et d'oppression, ça me paraît là aussi aller dans un sens qui n'est pas nécessairement imposé par les événements. Et la question, c'est de repartir des faits et de dire concrètement qu'est-ce qui se passe dans les interactions qu'on a dans l'espace public de ce point de vue-là. Alors on va prendre une dernière série de questions, voilà, 1, 2, il y avait vous aussi, vous, donc on va prendre toutes les questions qui restent comme ça, puis après vous pourrez conclure. Et je vais juste faire passer en même temps une petite caisse pour que en fait à exister ici, qu'on puisse acheter du matériel et voilà, si vous... Donc, essayez de regarder qu'elles disparaissent pas en cours de route. Merci. Bonjour. Je voudrais commencer par revenir sur ce qu'avait dit un monsieur qui est plus là, je crois, il y a une vingtaine de minutes à propos des religions. Il était reparti, ce que disent beaucoup de gens sur les guerres de religion, les croisades, etc. Et moi, je pense que, typiquement, si on regarde les croisades ou les guerres de religion, et c'est des choses qui passaient par la religion... mais qui étaient des choses profondément politiques au fond, et penser qu'on n'aurait pas eu de croisades ou de choses équivalentes s'il n'y avait pas eu de religion, je trouve ça assez naïf, parce qu'il s'agissait avant tout de civilisations qui ne se comprenaient pas, qui étaient toutes persuadées qu'elles avaient raison, et qui utilisaient... C'est bien comme ça ? Et ça passait par la religion, et ça se cristallisait dans un mouvement religieux, le fait que les gens ne se comprenaient pas et avaient des intérêts différents, et à la fin, enfin, les gens voulaient la terre les uns des autres, et... Ils utilisaient la religion pour ça. Et je pense que il faut qu'on voit bien que le problème, la religion est souvent quelque chose qui va cristalliser des problèmes qui existent autre part. Et il faut pas qu'on tombe dans le vice de nous aussi penser que c'est des problèmes d'opposition de religion, alors que et de considérer par exemple les religions, enfin typiquement l'islam, comme une espèce d'immense bloc qui arrive et qui vient nous imposer sa religion, alors qu'il s'agit avant tout de pratiques de la religion, de ce qui passe à travers la religion, c'est-à-dire de pratiques culturelles. Si on prend l'État islamique par exemple, la stratégie de l'État islamique partout dans sa région et aussi en Europe, c'est d'essayer de faire croire que le débat partout dans sa région, je veux dire, et aussi en Europe, c'est d'essayer de faire croire que le débat est uniquement religieux. Si on regarde ce que l'État islamique fait en Jordanie, en Turquie, partout autour de lui pour essayer de déstabiliser les pays et gagner du pouvoir, c'est de monter les communautés les unes contre les autres. C'est ce qu'on voit très bien au Liban, par exemple. Et c'est ce qu'ils essayent de faire en France. Leur stratégie en France, c'est d'aller voir des gens qui sont défavorisés. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce signe. Ah, d'accord, merci beaucoup. Nous voir des gens défavorisés, ils leur disent, mais regardez, c'est avec la religion que vous allez vous en tirer. Donc c'est ce que fait l'État islamique. Et nous, si on rentre, j'ai l'impression que de plus en plus les gens rentrent dans la rhétorique de l'État islamique en croyant vraiment que c'est un problème de religion et que y a un problème de religion en France, alors qu'il s'agit avant tout d'un problème de pratique, d'un problème d'oppression et de problèmes de ce genre-là. Donc je dis, il y a des pratiques qui sont sans aucun doute problématiques et je crois que c'est ce dont on voulait discuter au départ. Mais justement, je pense qu'il faut rester au niveau des pratiques et de la façon dont les gens vivent leur religion, et donc quelquefois c'est des choses qui peuvent pas coexister entre elles raisonnablement. Mais il faut surtout pas revenir à la religion et à une espèce d'opposition et dire l'islam est un problème, ou comme disent beaucoup de gens aussi, l'église chrétienne ou les juifs, n'importe qui, sont un problème. Le problème, c'est la façon dont les gens le vivent de façon concrète. Et la religion ne fait que donner des discours à ça et ne fait que cristalliser des choses comme ça. Mais le vrai problème, il est politique. Voilà, merci. Alors, on a une réponse directe et puis ensuite les deux dernières questions. Bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup les jeunes d'avoir le courage de venir sur la place de la République vous exprimer. Voilà, je voulais juste vous parler à propos de la religion, des religions. Tout ça, c'est du bourrage de crâne, on nous manipule les uns contre les autres. Chacun a son degré d'évolution. Et comme dirait Boris Vian, le système, comment on appelle ça, le système du colon, il s'est dit oui, toi t'es civilisé, moi je le suis pas. Bon, bref, chacun, etc. Et malheureusement, depuis les années 80, on dit islamiste ou n'importe quoi, mais islam, musulman, ça veut dire celui qui veut la paix. Point. Moi, mes parents sont d'origine musulmane, moi je suis catholique. Il y a eu beaucoup de débats. Peut-être qu'on va. Je n'ai pas peur en fait. Il y a eu beaucoup de débats, comme ici, entre mes parents et moi, ça a duré des années. Salman Rushdie, dans les années 80, donc il a écrit un livre. Il n'a pas eu la sagesse de mettre un autre titre pour pas aggraver la situation. Il pouvait raconter tout ce qu'il pensait, comme moi je l'ai fait avec mes parents, mais sans attaquer directement plein de gens, quoi. Voilà, et après les médias, etc., la politique s'en sont mêlés. Maintenant, je pense que ici c'est la France et on a cette chance libre de faire ce que l'on veut dans quelque chose de bien, quoi, pas dans ce qu'on veut pour faire du mal. Et il faut prendre cette chance. Et moi, je suis communiste dans mon cœur, ça veut dire le partage du bien pour tous. Et je suis, en même temps, j'aime Jésus, alors j'ai décidé d'être catholique, mais je n'ai aucune pratique. Mais par contre, je respecte toutes les religions. Et je dis qu'on n'a pas à s'ingérer, qu'on les laisse tranquilles, qu'on ne mélange pas tout. Et le partage du bien pour tous, pour moi, c'est la démocratie. Et pour moi, il n'y a que le bon Dieu, moi, personnellement, qui m'aide, parce que je suis quelqu'un de très précaire, qui a beaucoup souffert, et qui m'a aidé à pas tomber dans tous les pièges de la précarité. Je viens ici pour vous soutenir et pour vous dire que on peut faire plein de choses par le biais de l'écologie, changer ce monde, créer du travail. Moi, ce sont mes idées. Donc voilà, j'ai un petit peu tout mélangé, je sais pas trop m'exprimer devant tout le monde, mais je le fais. J'ai plein d'idées. On peut même recycler les armes. Il y avait une autre question. Oui, allez-y. Et puis après vous. Et ensuite, je vous laisse conclure parce qu'il va falloir s'arrêter. Alors, je reprends la parole une deuxième fois parce que enfin, plein de gens ont parlé, etc. Donc, moi, je voulais revenir à l'action qu'on avait faite dans notre colonie de vacances, de permettre à ces jeunes à un moment de pouvoir faire leur prière. En fait, je repense à ça parce que à travers les discours des différentes personnes, on a l'impression qu'il y a un problème. Et moi, je voudrais mettre, je sais pas, des mots derrière ce problème. Quel est le problème? Le problème, c'était, comme l'a dit la dame, bon, je sais pas votre prénom, que on est agressé par la pratique de l'autre. La pratique de l'autre, elle est dérangeante, elle me gêne, je sais pas, ça fait du bruit, ou alors je trouve ça insultant, ou voilà. Et nous, on a réfléchi, enfin, On n'a pas réfléchi beaucoup, mais on a un petit peu réfléchi sur le fait que quel était le problème, quel problème causait le fait que ces jeunes avaient cette possibilité de faire leur prière. Et on s'est dit, en définitive, le seul problème, c'est vraiment, c'est organisationnel. C'est clairement organisationnel. Est-ce que on leur permet de leur laisser un petit temps libre pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent? Parce qu'en définitive, c'était ça. C'était, oui, mais alors si on leur permet eux de faire ça, faut permettre aux autres de faire ça. Mais... Et là, on s'est dit, ben non, en fait, on décale juste un petit peu ça, on laisse un temps. Et puis, ben, ceux qui veulent faire leur prière, ben, ils font leur prière. Ceux qui veulent faire ça, ben, ils font ça. Et l'impact a été très, j'ai envie de dire, c'était cool. Ah, les jeunes, ils étaient contents. Ah, on peut faire ce qu'on veut, etc. Ben, en définitive, c'est passé outre le truc de religion parce que le problème, il était vraiment organisationnel. Et donc, le fait que moi, je vois une femme voilée dans la rue, etc., j'ai pas l'impression que ça m'empêche de vivre. Bah oui, bah elle passe et voilà. Après, à la limite, je pourrais peut-être aller discuter avec elle. Ah, c'est quoi le voile que t'as? Pourquoi tu fais ça, machin? Mais clairement, quel est le problème? Je vois pas le problème. Alors, on en a parlé d'influence, de machin, de trucs. Et alors, effectivement, il peut y avoir une influence parce que si je voyais, je sais pas, toutes les femmes ici voilées et une pas voilée, je dirais, toi, t'es donc. Mais c'est pas le cas. Le cas, c'est si ben, y en a une voilée là, il y en a une qui a les cheveux rouges là, là une qui a le piercing, ben, en définitive, ben non, en fait, tout le monde fait ce qu'il veut. Enfin, je sais pas, moi on a pensé un peu les choses comme ça. En fait, en laissant ce temps libre, ben, tout le monde pouvait faire ce qu'il veut, et ceux qui étaient plus comme ça, ils allaient là, et ceux qui étaient plus comme ça, ils allaient là. Et on n'a pas complètement passé outre le problème de religion. C'était plus un problème de religion, c'était un problème de est-ce que les gens ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans le temps qu'on leur a imparti pour faire ce qu'ils veulent. Voilà. Oui, bah en fait, je voudrais rebondir sur cette question du problème et de est-ce qu'il y a un problème et qui crée le problème par rapport à la loi sur les signes ostensibles. En fait, je pense quand je compare avec d'autres pays comme la Grande-Bretagne ou comme le Canada, où il y a beaucoup moins ce problème en fait d'affichage vestimentaire. On voit même au Canada, il y a un ministre avec un turban en desik. Qui est au gouvernement canadien. Je ne sais pas si vous êtes au courant, moi j'ai vu ça sur la photo. Et ça fait plaisir. Et on se dit, c'est pas demain la veille que ça arrivera en France. Hein. Ni avec une femme voilée, ni un turban sikh, ni une kippa, ni ce que vous voulez. Et je ne veux pas forcément que ça arrive d'ailleurs. Mais ce qui me gêne, c'est qu'en fait, à la fois les médias et les politiques, à travers cette loi très offensive, je pense, ont... contribuer à créer un problème là où il n'y en avait pas forcément, là où dans d'autres sociétés tout aussi métissées que les nôtres, comme en Grande-Bretagne ou au Canada, et d'ailleurs pas seulement les trois grandes religions, on parle que des trois religions, mais il y en a d'autres, hein, enfin, et d'autres signes, mais bon, bref. Et enfin, on le sait, mais je veux dire, on a tendance à se focaliser sur ces trois-là, et on met de côté la religion chrétienne parce que c'est notre religion historique, et donc il en reste deux. Et en fait, les juifs, bah, ils sont ultra minoritaires, donc en fait, il en reste une, et c'est elle qui fait le problème. Enfin bon. Mais donc, je pense vraiment que on contribue à créer et alimenter ce problème par tous ces débats législatifs et médiatiques sur les signes ostensibles, alors que et quelque chose, une loi qui est faite pour améliorer le vivre ensemble, théoriquement, hein, la laïcité et contribuer à plus de tolérance, en fait crée plus d'intolérance et donc a créé plus de problèmes qu'elle en a résolu. Voilà. Merci. Merci. Encore une fois, j'invite les gens, comme il y a du monde derrière, à rapprochez-vous même. Parce que voilà, les intervenants, ils peuvent parler derrière le micro, comme ça, plus de gens vont pouvoir s'asseoir. Et du coup, je te laisse conclure. Toute petite question, parce qu'on commence à être en retard. Ok, très rapidement, parce que ça fait trois fois que je parle. En fait, je pense qu'il faut un peu de hiérarchie. Quand on parle de des femmes voilées, comme on en parlait en 2011, il y a aussi ce problème-là de parler d'une petite, d'une minorité, alors qu'on ne parle pas de ces femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint tous les trois jours en France. Et donc, ce que je sais que c'est toujours un peu pénible de mettre des hiérarchies, mais dans l'intérêt général, je crois que c'est plus important de défendre, de donner la possibilité aux femmes de ne plus vivre une oppression de la part de leur conjoint, de leur mari, de leur amant, de leur famille, de leur père. Et je crois que c'est cette priorité-là qu'il faut mettre. Et ensuite, on pourra éventuellement discuter de l'oppression que peut faire une religion ou un quartier ou des pères sur parce que là elles auront un outil qui leur permettront de dire que la peur a changé de camp. Bon, c'est pas facile de conclure un truc qui est si loin. En fait, juste ce que je trouve hyper intéressant, c'est que il n'y a pas eu tant des questions que des témoignages, en fait, des gens qui ont pu donner leur point de vue sur cette question-là. Et je pense qu'en fait, enfin, ça rejoint du coup un peu le projet général de ce débat. C'est pas du tout. Enfin, moi, je suis pas là pour avoir une idée sur la laïcité. C'est pas mon problème et c'est pas mon. Enfin, je suis pas une femme politique. La question, c'est plutôt de dire, d'avoir un regard hyper critique et hyper interrogateur par rapport au discours qu'on entend dans l'espace public sur ces questions-là. Et une des questions, à mon avis, qu'il faut poser, c'est ici, tout le monde a la possibilité d'exprimer son point de vue. La question aujourd'hui, c'est sur les questions religieuses, est-ce que c'est le cas ? Et très clairement, les discours qu'on entend dans l'espace public, ce sont des discours, enfin, les discours idéologiques sont toujours les discours des dominants, hein, c'est comme ça, il n'y a pas de chance, mais c'est le cas. Et on n'a pas donné la parole aux acteurs pour leur demander comment eux se rapportaient à leurs croyances. Et je pense que c'est un des points sur lesquels il faut avoir un regard très critique, c'est qu'ici, tout le monde a la possibilité d'exprimer son point de vue. C'est pas du tout le cas sur ces questions-là. Et donc, je pense que l'idée, c'est tout le temps de se demander comment on peut décentrer son point de vue par rapport à celui de ceux qui sont engagés dans ces pratiques-là et qui, aujourd'hui, peut-être trouvent que la manière dont est pratiquée la laïcité en France est problématique, pour justement garder, enfin s'obliger à se décentrer en permanence de ce qu'on pense, parce qu'on a été très formé par cette acception que la France est un pays laïque, et on ne sait plus très bien ce que veut dire laïque. Et donc du coup, enfin voilà, c'était un peu l'idée de que peut la philosophie aujourd'hui, pas grand-chose hélas, mais essayer de s'interroger de manière critique sur ce que véhiculent les discours en général, et surtout ceux qui sont relayés dans les idéologies dominantes.